chante un peu puis je m'alimente. Que je fais une coque de pas de weed pour arriver à mes tiens. Que la chance fasse ton instant change. Ça va attendre, si je rallonge, il va comprendre. Alors on se bat, je qu'à 130, je pense j'avais d'un poignet beige, puis met avant, j'ai guéri le panneau, marre de check et cash, je suis cherché par tout le monde, partout, tout est part. Tous des jeunes que de mille, on a des adhérents, et finalement, j'ai pas de mots de seul qui m'adore. De ce temps-là, ça va mal la chape. De ce temps-là, y'a pas mal plus de temps que d'op. De ce temps-là, je pense pas mal de temps par chop. De ce temps-là, ma vie a pris une drop. De ce temps-là, ça va mal la chape. De ce temps-là, y'a pas mal plus de down que d'up. De ce temps-là, j'pense pas mal de temps par shop. De ce temps-là, ma vie a pris une drop. En ce moment, j'aime en bas de la pente. Quand ça sonne à porte, check par la fente. J'm'attends ce que les chalocs, personne descend. Que le propriétaire défonce, pis qui rentre. Le menace de faire couper les drapes, moi j'au rockmount. J'ai plus combien de chèques en plein cœur pour dire sa part. Les huissiers peuvent saisir, y'a rien à prendre. J'veux juste qu'on m'aide un peu, que j'puisse me reprendre. Thank you.

in the fun.